C'est le pingouin que l'on aperçoit tout matin. Les bras ballants, le pingouin. Les bras ballants, mais l'œil hautain, car il est prétend, le pingouin. Être sûr de ce qui est certain, il est savant, ce pingouin. Il a étudié son latin et son accent, le pingouin. Mais quand il parle, on n'entend rien. Il bouffe ses mots, le pingouin. Il cause comme on perd son chemin. Ni laid, ni beau, le pingouin. Ni on y va, ni là, ni loin. Ni froid, ni chaud, le pingouin. Ni oui, ni non, ni tout, ni rien. Rien, rien, rien, rien du tout. Non, tiens, le pingouin. On vient lui manger dans la main. Il adore ça, le pingouin. Il prend son petit air souverain. Mais je le connais, moi, le pingouin. N'a pas des manières de châtelain, non. C'est mal élevé, les pingouins. Faut que je lui donne des cours de main. Tiens, hé, le pingouin. Si un jour tu recroises mon chemin, je t'apprendrai, le pingouin. Je t'apprendrai à me faire le baisement. Tu ravaleras, le pingouin. Oui, tu ravaleras ton dédain. Tu me fais pas peur, le pingouin. Tu me fais pas peur, tu me fais rien, rien, rien, rien, rien du tout. Non, tiens, le pingouin. T'as l'air tout seul dans ton jardin. T'as l'air inquiet, le pingouin. T'as mis ta tête de mocassin. T'es démasqué, le pingouin. T'es bien puni, t'es mis au coin-coin. C'est mérité, le pingouin. Délicat, pas être si vilain. Je ne l'aime pas, ce pingouin. Malheur sournois, malheur radin. Malheur narquois, le pingouin. Malheur content de lui tout plein. Il a le cœur froid, ce pingouin. N'a pas l'air d'aimer son prochain. C'est pas pour moi, les pingouins. Je préfère les biches, les chiens, les tigres, les lions ou les dauphins. Pas les pingouins, pas les pingouins, non. Non, pas les pingouins. Non, pas les pingouins, pas les pingouins. Oh non, pas les pingouins.